الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. الحمد لله mes frères. Tout d'abord, on remercie Allah Azza wa Jal d'avoir facilité cette rencontre. Et on demande à Allah Tabaraka wa Ta'ala de nous donner l'ikhlas, la sincérité, al-ilm al-nafi', la science profitable, wal-amal al-salih, et la pratique, la bonne pratique. Donc le thème d'aujourd'hui, Inch'Allah, va porter sur At-tahdhir min ash-shaytan, de prendre garde contre Shaytan, wa bayan makayidihi, et les ruses. On va expliquer quelles sont les ruses de Shaytan, wa kayfa at-tahassun min, et comment se protéger, se préserver contre Shaytan. Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran al-Karim, il nous a ordonné dans plusieurs versets du Coran, dans plusieurs sourates, il nous a mis en garde contre Shaytan. Et il a qualifié Shaytan comme un ennemi déclaré de l'homme. C'est notre ennemi à tous. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a ordonné de le prendre comme ennemi. Allah azza wa jalla dit, en parlant à Adam et à son épouse, le premier des hommes, il dit aqul lakuma inna ash-shaytana lakuma aduwwun mubin, je vous dis, ne vous ai-je pas dit que Shaytan est un ennemi déclaré pour l'homme, pour vous deux. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans un autre verset, inna ash-shaytana kana lil insani aduwwan mubina, il dit vraiment le Shaytan est un ennemi déclaré pour l'humanité, pour les hommes en général. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi, قُلْ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌ مُضِلٌ مُبِينٌ. Allah subhanahu wa ta'ala dit, dans l'histoire de Moussa alayhi salam, lorsqu'il a tué l'homme, il a dit, هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ, cet acte provient de Shaytan. Et il dit, إِنَّهُ عَدُوٌ, c'est un ennemi, mudillun, un égareur mubin, manifeste. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi, inna shaytana lakum adou, fattakhidhuhu adouwa. Allah subhanahu wa ta'ala dit, le diable est pour vous un ennemi, prenez-le, c'est un ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme ennemi. Et Allah azza wa jalla dit aussi, afatattakhidhunahu wa dhurriyatahu awliya'a min douni wa hum lakum adou. Allah subhanahu wa ta'ala dit, allez-vous les prendre, les shayatines, et leur progéniture, leur descendance, comme des alliés en dehors d'Allah, alors qu'ils sont pour vous des ennemis. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, la tattabi'u khutuwati shaytan, innahu lakum aduwwun mubin. Ne suivez pas les pas de shaytan, car c'est un ennemi pour vous déclaré. Donc tous ces versets prouvent et montrent que Shaytan, c'est un ennemi pour l'homme, et qu'Allah Azza wa Jal, il nous a ordonné de le prendre comme ennemi. Et cette animosité, هذه العداوة, cette animosité, cette hostilité, elle est très ancienne entre Shaitan et l'homme. Elle date depuis qu'Allah Azza wa Jal, il a créé Adam alayhi salam. Parce que lorsque Allah Azza wa Jal a créé Adam alayhi salam, il l'a comblé de bienfaits, d'énormes bienfaits. Et Iblis a été jaloux de ses bienfaits et il s'est pris d'orgueil et il est tombé dans le kufr. Et parmi les bienfaits qu'Allah Azza wa Jal a comblé à Adam alayhi salam, on va en citer quatre. Le premier, c'est qu'Anna Allah khalaqahu biyadihi, qu'Allah Azza wa Jal, il a créé Adam alayhi salam avec ses mains. Deuxièmement, nafakha fihi min ruhihi, Allah subhanahu wa ta'ala a soufflé dans Adam de son ruh. Et allamahu ashiya asma'a kulli shay, Allah subhanahu wa ta'ala, il a enseigné à Adam le nom de toutes choses. Et quatrième et dernière faveur d'Allah subhanahu wa ta'ala envers Adam, asjada lahu al-mala'ika, Allah subhanahu wa ta'ala, il a ordonné aux anges de se prosterner devant Adam alayhi salam. On va citer quelques hadiths qui prouvent ça et comment a été la réaction de Shaitan. Allah Azza wa Jalla dit: "Wa idh qala rabbuka lil mala'ikati inni khaliqun basharan min salsalin min hama'in masnun. Fa idha sawaytuhu wa nafakhtu fihi min ruhi faq'u lahu sajidin." فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين قال يا إبليس ما لك ألا تستكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسمون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. Donc Allah Azza wa Jal dit dans le sens du verset: et lorsqu'Allah Azza wa Jal a dit aux anges que je vais créer un être d'argile extraite d'une boue malléable, et Allah subhanahu wa ta'ala dit ensuite فَإِذَا سَوَّيْتُهُ, lorsque je vais le former harmonieusement et je vais insulfer de mon ruh, Allah dit: jetez-vous tous en prosternation devant Adam alayhi salam. Et tous les anges se sont prosternés sauf Iblis, il a refusé. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui a demandé pourquoi, alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala sait très bien, il a dit: pourquoi tu as refusé de te prosterner alors que j'en ai donné l'ordre? Il a dit: je ne me prosternerai pas devant une créature que tu as créée à partir d'une argile faite de terre faite d'une boue malléable. Allah, il lui a dit donc: tu vas, fakhruj minha fa innaka rajim, sors du paradis car tu es banni et sur toi la malédiction jusque la fin des temps. Donc dans ce verset, on voit bien qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé Adam alayhi salam et il a insulfé de son ruh et il a ordonné aux anges de se prosterner devant Adam alayhi salam. Et aussi dans un autre verset, Allah Azza wa Jalla dit: وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ طِينٍ. Et lorsqu'Allah, Allah dit, et lorsque ton Seigneur a dit aux anges: je vais créer un être humain fait d'argile. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. Et lorsque je l'aurai formé harmonieusement et que j'aurai insulfé en lui de mon âme, de mon ruh, jetez-vous tous en prosternation devant lui. Et Allah dit: فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا Iblis. Tous ont obéi à l'ordre d'Allah et se sont prosternés, sauf Iblis. إِسْتَكْبَرَ, il a été pris d'orgueil. وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ, et il était parmi les infidèles. قَالَ يَا Iblis مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدِي. Allah subhanahu wa ta'ala, il lui a dit: oh Iblis, qu'est-ce qui t'empêche de te prosterner d'un être que j'ai créé de mes mains? Encore une faveur d'Allah subhanahu wa ta'ala envers Adam alayhi salam. Astakbarta am kunta min al-alim. Allah dit, est-ce que tu t'es enflé d'orgueil ou te considères-tu parmi les hauts placés? Et Iblis lui a dit, qala ana khayru minhu. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Je suis meilleur que lui. Tu m'as créé de feu alors que tu l'as créé d'argile. Donc ce qu'il y a, lorsqu'Allah Azza wa Jal, cette animosité entre Adam, entre Iblis et Adam, date depuis la création de Adam alayhi salam, parce que Iblis a été jaloux des bienfaits qu'Allah a comblés Adam alayhi salam. Et l'imam Bukhari wa Muslim rapporte, d'après Anas ibn Malik et d'après Abi Huraira, le prophète sallam a dit, dans un hadith qui est très long, il dit, fayatuna Adam, les gens, يوم القيامة, ils vont venir vers Adam. فيقولون يا آدم, ils diront, oh Adam, أنت أبو البشر, tu es le premier des hommes. خلقك الله بيده, Allah t'a créé de ses mains. ونفخ فيك من روحه, et il a insufflé en toi de son روح. وأمر الملائكة فسجدوا لك, il a ordonné les anges de se prosterner et se sont prosternés en face de toi. وعلمك أسماء كل شيء, et il t'a ordonné, il t'a appris, enseigné le nom de toute chose. Donc c'est depuis ce moment-là que les hostilités entre Iblis et les hommes ont commencé. Et Shaytan a juré d'égarer tous les hommes. Il a juré devant Allah subhanahu wa ta'ala d'égarer tous les hommes. Il a dit, qala, Shaytan dit, fabi'izzatika لَأَغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمَ الْمُخْلَصِينَ. Il jure devant Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, par ta force, par ta puissance, je vais tous les égarer, sauf tes serviteurs sincères et tes serviteurs que tu as choisis et protégés. Et il dit aussi dans un autre verset du Coran, قال فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي. Regardez comment il parle Iblis avec Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, comme tu m'as égaré, لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ. Je vais me mettre entre sur ton chemin droit. Regardez, Iblis, il reconnaît qu'il existe un sirat mustaqim. Il dit, je vais m'asseoir sur ce chemin droit. ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. Et il dit, continue, il dit, je vais me mettre à droite, à leur droite, je vais venir à leur gauche, je vais venir devant et derrière, et peu d'entre eux seront reconnaissants. Donc, Iblis, depuis ce moment-là, il a juré devant Allah subhanahu wa ta'ala qu'il sera un ennemi déclaré de l'homme et qu'il ferait tout pour séduire et égarer les hommes. Et pour atteindre ses objectifs, Shaytan, il utilise des armes. Beaucoup d'armes, mais principalement ce qu'on va citer maintenant. Il utilise la tromperie, al-ghurur. Il utilise la ruse, al-kayd. Il utilise les fausses promesses et le soi-disant bon conseil, al-nasiha. Allah subhanahu wa ta'ala, dans les versets, il explique comment Shaytan il égare les gens. Il dit وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا. Shaytan ne leur promet que de la tromperie. Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi, يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ. Il leur promet. Shaitan fait des promesses. C'est comme ça qu'il arrive à ses objectifs. وَيُمَنِّيهِمْ. Et il les tient dans l'espoir. Il leur fait de faux espoirs. وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا. Et Allah dit, mais ce que Shaitan promet, c'est que de la tromperie. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit, فَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورِ. Que le grand trompeur ne vous trompe pas. En parlant de Iblis. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورِ. En parlant de Adam et de son épouse, il dit, il les a fait tomber, les deux, بِغُرُورِ, avec la tromperie. Donc ça c'est l'arme principale avec laquelle Shaytan égare les gens. La tromperie, la ruse, le soi-disant bon conseil. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a raconté dans le Coran comment Shaytan il s'est présenté à Adam alayhi salam et à son épouse en utilisant la ruse et la tromperie. Pourquoi ? Pour les égarer. Allah azza wa jal, une fois que les anges se sont prosternés devant Adam et que Shaytan a refusé et il a mécru, Allah azza wa jal a dit à Adam et à son épouse: wa ya Adam uskun anta wa zawjuka al-janna. Ô Adam, habite toi et ton épouse le paradis. Fakula min haythu shi'tuma wa la taqraba hadhihi ash-shajara fatakuna min adh-dhalimin. Et mangez dans le paradis à votre guise, à volonté. Mais n'approchez pas de cet arbre, sinon vous serez parmi les injustes. C'est la première interdiction, le premier ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Iblis, il s'est présenté à Adam et à son épouse comme un ami et un conseiller. Et qu'est-ce qu'il leur a dit? Il a commencé par fawaswasa lahum ash-shaytan. Il a commencé son travail par al-waswasa. Fawaswasa lahum ash-shaytan. Il leur a commencé à faire des waswas à Iblis, à Adam et à son épouse. Wa qal, et deuxième étape. Qal ma nahakuma rabbukuma an hadhihi ash-shajara illa an takuna malakayn aw takuna min al-khalidin. Les faux espoirs. Il dit, Allah subhanahu wa ta'ala ne vous a interdit de toucher à cet arbre que pour vous empêcher d'être des anges ou que pour vous empêcher d'être des personnes qui vont vivre éternellement. Regardez le mensonge et la ruse. Et pour donner du poids à ce qu'il dit, Allah azza wa jalla, il dit, il nous raconte, il a juré, Adam, Iblis, il a dit, wa qasamahuma. Et il aura juré, wa qasamahuma, inni lakuma la min an-nasihin, bin-nouni wa lam tawkid, inni lakuma la min an-nasihin, je suis pour vous vraiment un bon conseiller. Et Allah Azza wa Jal nous dit ensuite, fadallahuma bi-ghurur, et il les fait tomber par tromperie finalement. Tout ça, tout c'est la ruse, le faux espoir, le mensonge, pour faire tomber les gens dans la tromperie, dans l'erreur. Et Adam et son épouse, comme vous savez tous, ils ont fini par écouter ce menteur et s'approchèrent de l'arbre pour y goûter. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous rapporte en disant, فَلَمَّ ذَاقَ الشَّجَرَةَ. Et lorsqu'ils ont mangé de cet arbre, بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا. Leur nudité devint visible. وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ. Et à partir de là, ils commencèrent à mettre des feuilles du paradis sur leur nudité. وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا. Et Allah subhanahu wa ta'ala a appelé, a interpellé Adam et son épouse, et leur a dit, أَلَمْ أَنْهَكُمَا. Est-ce que je vous ai pas interdit, عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةَ, de vous approcher de cet arbre. وَأَقُولْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ. Et que je ne vous ai pas averti que le shaitan est véritablement pour l'homme un ennemi déclaré. Et shaitan, son but, c'est d'égarer les gens. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَيُضِلَّكُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا. Allah subhanahu wa ta'ala dit, et le shaitan, il veut vous égarer, pas d'un égarement lointain, d'un égarement très lointain. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi dans le Coran, فَبِعِزَّتِكَ لَأَغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ. Il a juré devant Allah subhanahu wa ta'ala qu'il allait égarer tous les hommes, les séduire, les égarer, sauf les serviteurs, ceux qui, الَّذِينَ حَقَّقُوا الْعِبَادَ, ceux qui ont atteint le degré de ibadah, d'adoration à Allah subhanahu wa ta'ala à travers le tawhid. Allah subhanahu wa ta'ala, ces gens-là, va les protéger. Et أخرج الحاكم الشيخ الألباني لم ينص صحيحة سلسلة الأحاديث الصحيحة عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان قال وعزتك يا ربي لأبرح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم فقال الرب تبارك وتعالى وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفروني. Donc dans ce hadith là, Abi Sa'id radiallahu anhu rapporte que le prophète sallam a dit, le shaitan a dit, en parlant avec Allah subhanahu wa ta'ala, je jure par ta puissance que je continuerai, je ne cesserai de les égarer jusqu'à ce que leur âme, jusqu'à tant que leur âme sont, tant qu'ils sont encore vivants. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui a répondu en disant, je te le jure, il a juré par lui-même Allah subhanahu wa ta'ala, il lui a dit, je ne cesserai de les pardonner tant qu'ils me demanderont pardon. Parce que la rahma d'Allah, rahmatullahi wasi'at kulla shay. La rahma d'Allah englobe toute chose, subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est l'arme principale de Iblis, c'est la tromperie et le faux espoir. Et l'imam de Al-Qayyim Al-Jawziyah, rahimahullah, il a énuméré dans son livre Bawadi' al-Fawaid les moyens et les chemins et les ruses qu'emprunte Shaytan pour égarer les gens. Il en a cité 6. 6 ou 7. C'est, en général, c'est par ces moyens que Shaytan a atteint son objectif. La première étape, ou l'objectif principal de Shaytan, premier moyen, c'est il essaie de faire tomber la personne dans le kufr, le shirk, et mu'adat Allah Azza wa Jal. Et le fait que la personne tombe dans, qui devient l'ennemi d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son prophète. Il fait son effort pour essayer de faire tomber la personne dans le kufr et dans le shirk. Si, et la personne est préservée du kufr et du shirk en connaissant le tawhid et en s'attachant au tawhid. Et en connaissant les formes du shirk et comment les gens et les peuples sont tombés dans cette abomination. Si Shaitan il n'arrive pas par cette voie, il rentre par une deuxième voie qui est al-bid'a, les innovations dans la religion. Il embellit la religion, il embellit certains actes pour les faire passer comme des ibadah, mais que ces actes en fait sont des bid'a. Et la personne est préservée de la bid'a si elle connaît et elle s'attache à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et elle connaît la bid'a sous ses formes comme les ulama rahimahumullah l'ont décrit dans leur livre. Si Shaytan n'arrive pas à atteindre son objectif par cette deuxième porte, il rentre par une troisième porte qui est al-kaba'ir al-akhtilafi anwa'iha. Il essaie de faire tomber la personne dans les kaba'ir, dans les grands péchés. Tous les grands péchés. Il essaie toutes les portes. Il essaie de faire tomber la personne dans le zina, l'adultère, dans le mensonge, dans shorbul khamar, le fait de boire de l'alcool, dans uququl walidayn, le fait de tomber dans le non-respect des parents, et ainsi de suite. Et s'il n'arrive pas, il essaie dans sara'ir, alladhi idha ijtama'at rubbama ahlakat sahibaha. Il essaie de faire tomber la personne dans les petits péchés, les soi-disant petits péchés. Mais les petits péchés, quand tu les additionnes, elles vont causer du tort et elles peuvent causer la perte de la personne. Et la personne est préservée de l'kabair et de sarair en étant constamment armée de tauba et de l'istighfar. La personne a fait tauba. Et parmi les conditions de la tauba, c'est de ne pas revenir vers ce péché, vers cette kabira. Et lorsque la personne fait l'istighfar, Allah Azza wa Jal lui pardonne ses péchés. S'il n'arrive pas par cette voie, il essaie par la cinquième voie. Ishghaluhu bil mafdoul yani al fadil. Il occupe la personne dans ce qui est secondaire pour ce qui est prioritaire. La personne, elle délaisse les choses qui sont prioritaires pour des choses qui sont secondaires. Et tout est important dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Par exemple, la personne, elle veille la nuit, mais elle ne fait pas la prière de l'Fajr à l'heure. Par exemple, la personne tajtahid fi l'ibada, elle fait beaucoup d'efforts dans la ibada, mais elle n'a pas de science, elle n'a pas de ilm. Donc sa ibada ne peut pas être bonne. Ou par exemple, la personne, elle respecte les gens, mais elle donne aucune importance à ses parents. Nas'alullah al-afia. Et ainsi de suite. Il inverse. Ou bien la personne fait des efforts dans les sunnahs, dans tout ce qui est surrogatoire, et elle délaisse les choses qui sont obligatoires. Et s'il n'arrive pas par cette voie, il essaie une des dernières portes, qui est ishraluhu bil mubahat, allati la thawaba fiha wa la iqab. Il occupe la personne dans des choses futiles. Ou certes, il n'y a pas de punition si la personne le fait, mais non plus il n'y a pas de hasanat, pas de récompense. Et la personne, elle passe des journées, elle passe des années, et elle n'a pas profité. Ça aussi, c'est un piège de Shaitan. Ça, c'était les pièges de Shaitan en général. Là, on va citer, Inch'Allah, quelques ruses que Shaitan utilise. Il y en a beaucoup. Alhamdulillah, les ulama, ils ont écrit des livres à ce propos-là. Je vous invite à lire ces livres. Là, il y a des livres qui ont été faits, qui ont été haqqaq par des gens de Al-Hadith. Là, on va en citer quelques-unes. Celles qui reviennent souvent. Et celles que malheureusement, les gens tombent souvent par ces pièges. La première, c'est que Shaitan, il enjolive, il embellit les choses en leur donnant une belle apparence. Tazayyun. Et en faisant apparaître le faux sous l'apparence du vrai. Telbis, en utilisant les conseils, en utilisant les fausses promesses, en utilisant le faux espoir, les tromperies, et al-khatawat, la stratégie, hein, la patience, son objectif, il doit l'atteindre. Comme on a cité dans les versets qu'on a précédemment, Allah subhanahu wa ta'ala dit, « Qala Rabbi, bima arwaytani » Shaitan dit, « Oh Allah, parce que tu m'as égaré, la uzayyinanna lahum fil ardi, wa la ughwiyannahum ajma'in. Je leur enjoliverai la vie sur terre, et je les égarerai tous. Et aussi, Allah subhanahu wa ta'ala dit, wa id zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum. Et ash-shaytan a embelli, a rendu beau leurs actions. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, ya'iduhum wa yumannihim. وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا. Shaitan leur promet, leur fait de faux espoirs, mais Shaitan ne leur offre que des tromperies, ne leur fait tomber que dans la tromperie. Donc ça, c'est la première des ruses que tu dis Shaitan. C'est il enjolive, il donne une belle apparence à des choses qui sont fausses, qui sont dangereuses pour l'homme. La deuxième ruse que je vais citer, Inch'Allah, c'est al-ghaflatu an dhikrillah. Comme Allah, c'est le fait de s'écarter du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, sous toutes ses formes. Allah Azza wa Jalla dit, قال استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. Shaitan les a dominés au point qu'il leur a fait oublier le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il essaie à tout moment de faire oublier à la personne le rappel d'Allah tabaraka wa ta'ala. Parce que lorsque la personne oublie le rappel d'Allah, c'est à ce moment-là que la personne est vulnérable, et c'est à ce moment-là que Shaitan fait ce qu'il peut faire, ce qu'Allah l'autorise de faire. Troisième chose, troisième ruse que Shaitan utilise, c'est il incite à la corruption des mœurs. Al-fasad ou al-ifsad. Il fait le fasad sur terre. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, Ya ayyuha alladhina amanu. Ô vous les croyants. Et Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, il disait, quand tu entends cet appel, Ya ayyuha alladhina amanu, tends ton oreille et écoute avec ton cœur, car c'est soit un ordre d'Allah ou soit une interdiction, avec laquelle tu accéderas au paradis et tu seras protégé contre l'enfer. Donc c'est comme ça qu'on doit se comporter quand on entend Ya ayyuha alladhina amanu. Ça doit nous interpeller. Allah Azza wa Jalla, qu'est-ce qu'il nous dit? Innamal khamru wal ansab wal maysiru والأنصاب والأزلال رجز من عمل الشيطان. Allah dit, ô vous qui avez cru, le vin, les jeux de hasard, al-ansab, les pierres dressées. Les gens dressaient des pierres et recherchaient la baraka et l'adoration à travers ces pierres. Wal-azlam, l'azlam c'est des flèches. Les Arabes, pendant la période de Jahiliya, lorsqu'ils avaient un projet, ils prenaient trois flèches. S'ils tombaient sur une flèche, ça voulait dire Amarani Rabbi. Allah m'a ordonné de faire ça. S'ils tombaient sur une autre flèche, Nahani Rabbi. Allah m'a déconseillé de faire cette chose. Et s'ils tombaient sur la troisième, c'est il fallait recommencer jusqu'à ce que tu tombes sur l'une ou l'autre. C'est ça. Et Allah Azza wa Jal, il a détruit ça. Allah, il a aboli ça par At-Tawakkul. Par le fait de mettre sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala et avec salat al-istikhara, s'en remettre dans la prière de la consultation. Donc Allah Azza wa Jal il dit, vous les croyants, le vin, les jeux de hasard, les pierres dressées et les flèches, rijsun min amali shaitan, sont une abomination parmi les actes de shaitan. Fajtanibou la'allakum tuflihoun, éloignez-vous-en, certainement vous réussirez. Innama yuridu shaytan. Shaytan, que veut-il? An yuqi'a baynakum al-adawata wal-baghda' fi al-khamri wal-maysir wa yasuddakum 'an dhikrillah wa 'an as-salat, fa hal antum muntahun? Allah subhanahu wa ta'ala dit, shaytan à travers ça, ces quatre choses qu'on a citées, il veut quoi? Il veut mettre de la haine et de l'animosité entre vous et vous détourner du rappel d'Allah et de la salat. Allez-vous donc y mettre fin? Donc, l'une des risques de Shaitan, c'est de corrompre les mœurs à travers des mauvaises actions. Pour, à la fin, yasuddakum an dhikrillah wa an salat. Pour détourner les gens du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala et de la prière. Parmi les risques de Shaitan, il y a le ghadab, la colère. Et c'est parmi les ruses qui font le plus de dégâts. Al-Ghadab, la colère, ça crée la séparation entre un homme et son épouse. Ça peut créer une séparation entre un homme et ses parents, entre un homme et sa propre famille, entre les frères, entre eux, la colère, à cause d'un état de colère ou d'une parole qu'on peut dire. C'est pour ça que lorsque l'homme, il est venu voir le prophète sallam dans le hadith de Bukhari rapporté par Abu Huraira, il lui a dit, ah Rasulallah, awsini. Le prophète sallam lui a dit, la tardab, ne te mets pas en colère. Il lui a dit, awsini, donne-moi encore d'autres conseils. Qala la tardab wa la zala Rasul sallam yukarriruha. Et le prophète sallam a réitéré ce conseil, la tardab, ne te mets pas en colère. Et aussi l'imam muslim rapporte d'après Jabir radiallahu anhu, le prophète sallam dit, إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم. الجابل الشيطان il a désespéré que les croyants ils allaient l'adorer dans la péninsule arabique. Mais il a quoi comme remède? التحريش بينهم. Il met de la colère et des problèmes, il crée des تحريش entre les gens. Aussi, parmi les ruses de Shaitan, dont beaucoup de gens tombent, c'est An-Nazaru ila maharramahullah. C'est le fait de regarder ce qu'Allah Azza wa Jal a interdit. Et autour de nous, il y a beaucoup de choses qui sont interdites à regarder. Parce que le fait de regarder des choses interdites, ça fait baisser la foi. Et ça prive la personne de halawat al-iman, de la douceur de la foi. Et Allah Azza wa Jal dit Kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Allah subhanahu wa ta'ala dit non, pas du tout. Il dit mais ce qu'ils ont commis, c'est ça qui a couvert leur cœur. Les actes qu'ils ont faits, c'est ça qui a couvert leur cœur. Et aussi parmi les ruses de Shaitan, al-ajala wa tarku at-tathabbut fil umur. Le fait de s'empresser et de ne pas être sûr, de ne pas vérifier une chose. Et ça peut faire tomber la personne fima la yuhmadu uqbah. Ça peut amener la personne à de mauvaises conséquences. Allah, le prophète sallam dit, et ce hadith a été rapporté dans le hadith sahiha de Cheikh Al-Albani rahimahullah, Anas radiallahu anhu dit, le prophète sallam a dit, At-ta'anni min Allah, wa al-ajalatu min al-shaytan. La douceur, être calme, être serein, ça provient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le fait de se presser, se dépêcher, ça vient de Shaytan. Donc ça peut que causer du tort lorsque la personne s'empresse et elle n'est pas sûre de ce qu'elle fait. Aussi bien dans ton dunya que dans ton din. Aussi parmi les ruses de Shaytan, il y a al-bukhl wal-khawf min al-faqr. Le fait d'avoir peur de la pauvreté. Et la personne devient avare. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, Ash-shaytanu ya'idukum al-faqra wa ya'murukum bil-fahsha. Shaytan vous fait peur, vous fait craindre la pauvreté, et juste après, wa ya'murukum bil-fahsha. Et il vous ordonne le fahsha, la turpitude. Et à cause de al-bukhl, à cause de al-faqr, al-khawf min al-faqr, à cause de la crainte de la pauvreté, combien de gens délaissent la zakat? Combien de gens, à cause de la pauvreté, amassent l'argent? وَلَا يُبَالِي أَلْ هَذِهِ الْأَمْوَالِ حَلَالًا أَمْ حَرَامًا وَنَسِيَ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ اللَّهَ يَسْأَلُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَنْ أَمْوَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهَا وَفِيمَا أَنْفَقَهَا. Personne, elle amasse la peur de la pauvreté, pousse la personne, elle amasse l'argent. Elle se soucie plus. Est-ce que c'est de l'argent halal ou qui est pas, ou licite ou illicite? Elle ne se soucie plus. Alors que le prophète sallam a dit, l'antamout, le prophète sallam jure, il dit, l'antamout nafsan, hatta testakmina rifqa. L'âme, la personne ne va jamais mourir tant qu'elle ne termine pas son rifq. Fa'ajmilou fit talab. Lorsque vous faites une demande, lorsque vous allez vous chercher votre risque, faites-le bien. Parce que ce soit par le halal ou que par le haram, tu auras ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a écrit comme subsistance. Donc il faut faire attention à la pauvreté. La pauvreté, ça conduit certaines personnes à même pas visiter ses parents. Parce que ses parents, ils sont loin. Ça, le fait d'aller les voir, ça coûte de l'argent. Wal'iyadu billah. Wal'iyadu billah. Et le dernier... la dernière ruse que je vais citer, mais il y en a d'autres bien sûr, c'est que Shaytan, il suscite la fitna entre les gens. Et il sépare, il fait tout pour séparer les couples. Il faut le savoir, celui qui est marié ou celui qui veut se marier, Shaytan va tout faire pour te séparer avec toi et ton épouse. Et ça a été rapporté par Muslim. An Jabirin qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, inna iblisa yada'u 'arshahu 'ala al-ma. Iblis, il met son trône sur l'eau. Son trône, il est sur l'eau. ثم يبعث سراياه فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة. Il a mis son trône sur l'eau et il envoie ses troupes pour égarer les gens. Et les plus proches de ces gens-là sont ceux qui causent le plus de fitna et de plus de dégâts. يجيء أحدهم فسمع يجيء أحدهم فيقول فعلت كذا وكذا فيقول ما صنعت شيئا. Il y en a un d'entre eux, il vient voir Iblis et il lui dit j'ai fait ça comme fitna, comme problème. Et il lui dit tu n'as rien fait. ثم يجيء أحدهم فيقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين مرتي. Il dit je ne l'ai pas laissé, dans toute chose, jusqu'à ce que je l'ai séparé entre lui et son épouse, et sa femme. قال فيدنيه منه. Iblis la rapproche de lui, il lui dit, نعم أنت. Tu es quelqu'un de bien. Regardez les efforts que Iblis et ses junoudou, son armée, ils font pour égarer les gens. Mais sachez, et ça c'est la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala, والله لا يخلف الميعاد. Allah ne faillit pas sa promesse. Que les ruses de Shaytan sont daïfs, sont faibles. C'est pas moi qui l'a dit. C'est Allah tabaraka wa ta'ala qui a créé tout être humain, qui a créé Iblis et qui connaît ses ruses. Il a dit Inna kayda shaytan kana da'ifa. Les ruses de shaytan ne sont que faibles, n'ont pas de valeur. Donc ses ruses et son pouvoir n'ont pas d'effet sur ceux qui ont l'iman, la foi, tawhid et tawakkul, et la confiance. Remettre l'affaire entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jalla dit dans le Coran, pour appuyer ce qu'on est en train de dire, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Allah dit, lorsque tu lis le Coran, recherche la protection auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, contre le diable, le banni, contre le shaytan al-rajim. Regardez ce qu'Allah dit ensuite. إِنَّهُ, parlons de Iblis, لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الْإِيمَانُ وَالتَّوَكُّلُ إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ. Donc Allah Azza wa Jalla dit, Shaitan n'a aucun pouvoir sur ceux, aucune influence sur ceux qui ont l'iman, d'où l'importance d'apprendre l'aqidah et d'apprendre le tawhid avant toute chose. Sur ceux qui ont l'iman et le tawakkul. T'as pris l'aqidah, maintenant mets ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah dit, son pouvoir n'est que sur ceux qui l'ont pris comme ennemi, comme allié. Comme allié. وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ. Et qui, ensuite, à cause de lui, tombe dans l'associationnisme, al-shirk. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans un autre verset, et ça c'est ce que dira Iblis dans le nar, il dit وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُدِيَ الْأَمْرِ. Regardez ce qu'il va dire. Allah dit, et le shaytan dira lorsque tout sera décidé, إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَوَعَدَ الْحَقِّ. Allah vous a promis la vraie promesse. Pour ça, mes frères, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit de faire quelque chose, ou il nous interdit de faire quelque chose, faisons-le. Parce que wa'ad Allah est haq. La promesse d'Allah est vraie. Et si tu devais investir dans quelque chose, investis dans ta religion. Regarde, il y a des gens, ils investissent des millions et des millions dans des affaires de commerce, ils n'ont aucune sûreté, aucune garantie. Nous, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous donne cette religion. Il nous donne le livre d'Allah. Il nous demande de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Suis. Wallah, c'est une garantie de succès dans cette vie, dans l'autre. Donc il dira, regardez ce qu'il dira. Inna Allah wa'adakum wa'ad al-haq. Allah vous a fait la vraie promesse. Wa'ad al-haq. Wa wa'adtukum fa'akhlaftukum. Je vous ai promis, mais je n'ai pas tenu ma promesse. Wa ma kana li. Regardez ce qu'il dit aux gens. وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانِ. Je n'avais aucun pouvoir sur vous. إِلَّا sauf أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي. Je vous ai appelé. Mon seul pouvoir, c'était de vous prêcher, de vous appeler. Et vous avez répondu à mon appel. فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنْفُسَكُمْ. Ne vous en prenez pas à moi. Mais prenez-vous-en à vous-même. مَا أَنَا بِمُسْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُسْرِخِي. Je ne suis d'aucun secours pour vous aujourd'hui. Qudiya al-amr. Je ne suis d'aucun secours pour vous aujourd'hui et vous n'êtes d'aucun secours pour moi. Inni, et il termine, inni kafartu bima ashraktumun. Je m'écrois, je rejette, je suis innocent de tout le shirk que vous avez fait. Min qabl, inna al-zalimina lahum adhabun alim. Et les injustes, ceux qui se sont écartés du tawhid et qui sont tombés dans le shirk, dans le kufr et dans les péchés, et dans la désobéissance d'Allah, lahum adabun alim, auront un châtiment douloureux. Donc, les ruses de Shaytan, elles sont nombreuses. On en a cité quelques-unes. C'est pourquoi il incombe à chaque musulman de les connaître, et de connaître les moyens de se protéger contre Shaytan, et les moyens qui le font fuir, qui le font s'éloigner. Parce que par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah, Allah Azza wa Jal, il nous a pas laissé désarmer face à Shaitan. Il a qualifié Shaitan comme un ennemi et il nous a demandé de le prendre comme ennemi. Et il nous a donné des armes pour se protéger et pour lutter contre lui. Awalan, vont citer les principaux moyens de se protéger contre Iblis. Awalan ittiba'u sirat al-mustaqim. Suivre le chemin droit. Suivre la voie droite. Parce qu'Allah Azza wa Jal et son prophète sallallahu alayhi wa sallam nous ont montré et recommandé de suivre la voie droite. Une voie tracée, une voie toute tracée, qui préserve celui qui l'emprunte contre les pièges de Shaitan. C'est la voie du livre d'Allah. Kitabullah. La voie de sunnat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. La sunnah du prophète. Ala fahmi salaf al-salih. Selon la compréhension de nos pieux prédécesseurs. Selon la compréhension des sahaba kiram radiyallahu anhum. Et des grands imams de l'islam. Les grands imams de l'islam. Et ça c'est rapporté dans le hadith. Abdullah ibn Mas'ud rapporte. Et le hadith est le sahih. Al-Bani le sahih. Il dit. Nous étions assis autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Fakhattalana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam khattan thumma qala hada sabilullah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a tracé un trait par terre devant lui et il a dit ça c'est la voie d'Allah. Thumma khatta khututan an yaminihi wa an shimalihi wa qala hadhihi subulun mutafarriqa. Ala kulli sabilin shaytanun yad'u ilayha ou ilayhi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a fait des traits à droite et à gauche. Il a dit toutes ces voies sont des voies de shaytan vers lesquelles shaytan appelle. Et ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam a récité la parole d'Allah. Wa inna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'u as-subul fatafarraqa bikum an sabilihi. ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. Il a récité le verset où Allah dit « Voici ma voie droite dans toute sa rectitude. Suivez-la. Une seule voie. Une seule jama'a. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ. Et ne suivez pas les autres voies. Pourquoi ?« فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِ. Car ces voies vont vous égarer de mon chemin et de ma voie. ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. C'est le conseil d'Allah Azza wa Jal et ainsi vous atteindrez la crainte d'Allah Azza wa Jal. Donc la meilleure façon de se protéger contre Shaitan c'est de rester sur As-siratun mustaqim, sur la voie droite, la voie du livre d'Allah, la voie de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Deuxième façon de se préserver contre les ruses de Shaitan, c'est ijtinab al-bid'ah, c'est le fait de s'éloigner des innovations dans la religion. Comme on a vu dans le hadith de Irbad ibn Sariyah, hadith qui a été rapporté par Tirmidhi et qui est sahih, Prophète sallam a donné une série de conseils, de recommandations. Et ensuite, il a dit alaykum usikum bi taqwallah wa sam'i wa ta'a wa in ta'ammara alaykum 'abdun habashi wa alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa. Khulafa al-Rashidin. Le prophète sallam a dit ensuite wa iyyakum wa muhdathatul umur fa inna kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin fi an-nar. Faites attention aux innovations. Le prophète sallam a donné une série d'ordres et il a tiré notre attention que sur une seule interdiction. Comme si celui qui ouvre la porte de la bid'a, il a ouvert la porte de la perte pour lui-même et dans sa religion. Et celui qui préserver des bid'a, il a préservé sa religion et réussira dans cette vie et dans l'autre. Troisième protection, moyen de protection contre Shaitan, c'est l'iltizam bil jama'ati wa laysa kullu al jama'at ayu jama'a yani l'iltizam bil jama'ati allati ta'tani bi tashih al minhaj wa l'i'tiqad wa al-fahm wa al-suluk wa ijtinab al bid'a. C'est le fait de s'attacher à la jama'a, au groupe, mais pas n'importe quel groupe. Le groupe qui reste attaché à la bonne croyance. C'est quoi la bonne croyance? C'est la croyance du prophète et de ses compagnons, radhiyallahu anhum, et des grands savants d'islam. Et de rester sur le comportement et sur le mode de vie de l'islam. Et de s'éloigner de toute innovation dans la religion. L'imam Abu Daoud wa Nasa'i rapporte, et le hadith il est sahih, عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. Il dit, le prophète me dit, عليكم بالجماعة, attachez-vous au groupe, car le loup mange la brebis qui s'égare. Quatrième moyen de protection, c'est التفقه في الدين لأنه حماية من الشياطين. C'est le fait de s'instruire dans la religion, car c'est une protection contre le shaitan. Parce que grâce à la science, بالعلم, avec la science, la personne elle connaît shaitan, c'est qui? Elle connaît ses armes, ses ruses, les chemins qu'il emprunte pour nous égarer. Et elle connaît aussi les armes qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous a données pour se préserver contre shaitan, contre son mal et contre le shirk vers lequel il veut nous amener. Donc il faut apprendre l'ilm, la science, basée sur le livre d'Allah et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, auprès de nos savants. Aussi parmi les ruses de shaitan, parmi les pièges de shaitan, c'est l'isti'adatu min Allah billahi min ash-shaytan ar-rajim. C'est le fait de chercher protection auprès d'Allah contre shaitan. Parce que si Allah azza wa jalla te protège, il yansurkum Allah fala ghaliba lakum wa yakhdhulkum faman dhal ladhi yansurkum. Si Allah azza wa jalla vous vient en secours, qui peut vous créer du tort? Et si Allah vous délaisse, qui va vous donner le secours? C'est le fait donc de demander la protection à Allah subhanahu wa ta'ala et à personne d'autre. Rechercher la protection à Allah subhanahu wa ta'ala, auprès d'Allah azza wa jal, et par les moyens qu'Allah azza wa jal a légiféré. Allah subhanahu wa ta'ala dit: وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Allah azza wa jal dit: et si jamais un shaitan t'incite à faire le mal, recherche protection auprès d'Allah, car il est celui qui entend et celui qui connaît. Et c'est pour ça que le muslim, dans beaucoup de situations, comme lorsqu'il lit le Coran al-Karim, il recherche la protection. Allah Azza wa Jal dit: وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Lorsque tu lis le Coran, recherche protection auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aussi lorsque, par exemple, la personne fait un rêve et il a vu quelque chose qui lui est détestable, il recherche la protection auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'imam Bukhari wa Muslim rapporte d'après Abi Qatada radhiyallahu anhu, قال النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة من الله. Le bon rêve, le rêve pieux, vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. والحلم من الشيطان. Et le mauvais rêve provient de الشيطان. فمن رأى شيئا يكرهه فلينفث عن شماله ثلاثة وليتعوذ من الشيطان فإنها لا تضره. Prophète dit: celui qui voit un mauvais rêve qui vient de Shaitan et qui lui est détestable, qu'il souffle trois fois à gauche et qu'il recherche protection auprès d'Allah en disant: A'udhu billahi min ash-shaytan ar-rajim. Aussi, lorsque la personne recherche la protection lorsque la personne rentre au masjid. Dans le Sahih al-Jami', donc Cheikh al-Albani le Sahih, an Amr ibn al-As radiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam kana idha dakhala al-masjid qala a'udhu billahi al-azim wa biwajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim min ash-shaytan ar-rajim. Fa idha qulta dhalika qala ash-shaytan hufiza minni sa'irullah. Rasulullah nous rapporte que lorsque la personne rentre dans au masjid, à la mosquée, et qu'elle dit la dua, elle recherche protection auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala contre shaitan, on lui dira tu es protégé. Shaitan lui-même dira: il est protégé de moi toute la journée. C'est une arme qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a donnée. Même shaitan il ne peut rien faire. Et aussi inda, parmi les al-muhim, il existe beaucoup de hadiths, situations dans lesquelles il est demandé de faire l'istirad, demander la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous allez les retrouver dans les livres de Afkar et dans les livres de Duha. Aussi, les choses, parmi les points qui préservent contre les moyens de protection contre Shaitan, c'est qira'atul Qur'an, la lecture du Qur'an. Il ne faut pas négliger la lecture du Qur'an. C'est le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il demande notre attention. Salaf Salih, il terminait le Qur'an en une semaine, en 15 jours, en un mois, parfois plusieurs fois. Et il le lisait et il le méditait. Et il le mettait en pratique. Et la lecture du Qur'an, c'est une protection contre Shaitan en général. Et certains versets et certaines sourates sont une protection particulière. Allah Azza wa Jalla dit: وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا. Lorsque tu invoques Allah subhanahu wa ta'ala dans le livre, il donne une tourne le dos, les shayatins, et il s'enfuit. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi: وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنِ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا. Allah dit: et lorsque tu lis le Coran, nous avons mis entre toi et ceux qui ne croient pas à Allah subhanahu wa ta'ala, donc les shayatins parmi eux, hijaban mastura, un rideau qui est protecteur, qui te protège. Et il y a certaines sourates en particulier qu'il est recommandé de lire, comme sourate al-Baqara. Dans Sahih Muslim, Abu Huraira radiallahu anhu rapporte que ça me dit: La taj'alu buyutakum maqabir, inna shaytana ينفر من البيت التي الذي يقرا فيه سوره البقره. Hassan dit: ne faites pas de vos maisons des cimetières. Ça, c'est une preuve que on lit pas le Coran lorsqu'on va dans les cimetières. لا تجعلوا بيوتكم مقابر, ne faites pas de vos maisons des cimetières, car le shaitan fuit, se sauve d'une maison dans laquelle on lit sourate al-Baqara. Et aussi la lecture de Ayat al-Kursi au moment de dormir. Dans le hadith de Bukhari rapporté par Abu Huraira, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a laissé s'occuper de son dos à moi les musulmans, les biens des musulmans. Il y a une personne qui est venue plusieurs fois voir Abu Huraira en prétendant être une personne pauvre, ayant une famille, et en demandant des biens des musulmans. Et il prétendait, cet homme, il disait toujours: Ida, il dit, si tu me donnes, je vais te donner une chose, c'est le moyen de protection. Il lui dit: Ida awaita ila firashik, faqra ayat al-kursi min awwalha hatta takhtatim al-aya wa qala li la yazalu alayka min Allah hafiz wa lan yaqrubaka shaytan hatta tusbih. Donc il lui a dit, je vais t'indiquer une chose. Lorsque tu vas dormir, lis Ayatul Kursi jusqu'à la fin. Le verset de Ayatul Kursi. Il lui dit, si tu fais ça, tu seras sous la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'au matin. Et aucun shaitan ne t'approchera jusqu'au matin. Et lorsque Abu Huraira est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: Dhalika shaitan, innahu qad sadaqaka wa huwa kadhub. Il a dit, c'est un shaitan, mais dans ce qu'il t'a dit, il a été véridique. Donc le fait de lire Ayatul Kursi, c'est une protection contre un shaitan. Et aussi, dans Sahih Tirmidhi, le Cheikh l'Albani, il a sahah le hadith, « An ibn Nu'man ibn Bashir, radiyallahu anhu, qala Rasul sallam, inna allaha kataba kitaban, qabla an yakhluqa as-samawati wal-arda bi alfay aam, wa anzala minhu ayatayni khatama bihima surat al-Baqara, لا يقرآن في دار ثلاث ليال فيقربهما شيطان. Donc le prophète nous dit que lorsqu'Allah, Allah Azza wa Jal, il a écrit dans un livre avant de créer les cieux et la terre de 2000 ans, et il a dit que celui qui lisait les deux dernières sourates de l'Baqara, Aman al-Rasul bima unzila ilayhi min rabbihi, jusqu'à la fin de la sourate, et bien ces deux versets, celui qui les lit trois nuits, aucun shaitan ne pourra s'en approcher. Donc, qira'atul Qur'an, c'est vraiment une protection. Vous voyez aussi, parmi les sourates qui sont une protection, c'est qira'atul mu'awidatayn. C'est le fait de lire les mu'awidatayn. Surat al-Falaq ou surat al-Nas. Qul a'udhu bi rabbi al-Falaq wa qul a'udhu bi rabbi al-Nas. Donc dans Sahih al-Tirmidhi, عن أبي سعيد رضي الله عنه قال كان رسول الله يتعوذ من الجان وعين الإنسان حتى نزلت المعوذتان فلما نزلتا أخذ بهما وترك ما سواهما. Donc Abi Saïd disait que le prophète sallam avait l'habitude de chercher protection auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala contre l'ayn et contre le djinn. Regardez, dans ce hadith là, le prophète sallam il cherchait la protection du ayn et du djinn auprès de Allah subhanahu wa ta'ala, pas en allant voir des charlatans. Jusqu'à, il faisait ça, jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala descende. Al-Mu'awidatan, Qul a'oudhu bi Rabbil Falaq wa Qul a'oudhu bi Rabbin Nas. Il dit, et à partir de ce moment-là, il lisait ces sourates et il délaissait toutes les autres choses. Il délaissait ce qu'il faisait avant. Et ça, c'était donc pour dire que la lecture du Coran, c'est une protection contre Shaitan. Et finalement, le dernier point qui préserve contre Shaitan que je vais citer, mais il existe encore d'autres moyens de se protéger contre Shaitan, c'est la dua. C'est la dua. Parce que la dua, c'est une arme, c'est l'arme du croyant, c'est une arme du croyant, et Allah Azza wa Jal te préserve avec la dua. Allah Azza wa Jal dit wa qul rabbi a'udhu bika min hamazati shaytan wa a'udhu bika rabbi an yahburun. Donc Allah Azza wa Jal dit demande protection contre les insufflations de shaytan et demande protection qu'il soit présent, que shaytan soit présent. Et l'imam Bukhari wa Muslim rapporte, d'après Abu Huraira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Man qala la ilaha illa Allah, wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli shayin qadir, miyata marra. » Celui qui dit cette dua 100 fois par jour, « Kanat lahu addu ashr riqab. » Kanat lahu addu ashr riqab. Il a la récompense de celui qui a franchi 10 esclaves. وكتبت له مئة حسنة on lui inscrira 100 حسنة ومحيت عنه مئة سيئة et lui enlèvera on lui effacera 100 péchés وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي et le fait d'avoir dit 100 fois ceci la dua qu'on a cité ça sera une protection contre Shaitan jusqu'à le soir. Donc la dua, c'est vraiment une arme contre Shaitan. Et dans plusieurs situations, le musulman, il doit faire la dua, comme ceci est cité dans les kutub de Ad-Da'iya, de dua. Là, moi, je vais n'en citer que quelques-unes, inshallah. Bukhari wa Muslim rapporte, d'après Ibn Abbas, « Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, « Law anna ahadakum, idha arada an ya'tiya ahlahu, qal, bismillah, Allahumma inni, بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإن كان بينهما ولد لم يضره شيطان ولم يسلط عليه. Regardez la dua, la force de la dua. Ce midi, ce nuit, lorsque la personne a un rapport avec son épouse et il dit la dua, il dit Bismillah, je cherche protection auprès d'Allah, éloigne, oh Allah, éloigne-nous Shaitan et éloigne Shaitan de ce que tu vas nous donner. Ça me dit, si Allah Azza wa Jal écrit, si Allah Azza wa Jal va donner à la suite de cette union un enfant, lam yadurru shaytan, shaytan ne lui fera aucun mal, wa lam yusallit alayh, et il ne le maîtrisera pas. Et aussi, le même Muslim rapporte dans son sahih, d'après Jabir ibn Abdillah, annahu sami'a an-nabi sallallahu alayhi wa sallam yaqul, idha dakhala ar-rajulu baytahu. فذكر الله عند طعامه عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لجنوده لا مبيت لكم ولا عشاء. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit lorsque la personne entre, et c'est des choses qu'on fait tous les jours, entre chez elle et elle fait le dhikr, elle fait la dua, l'invocation à ce moment-là, comme c'est cité dans d'autres hadiths, au moment de rentrer et au moment de manger, le shaitan dit à ses semblables, il dit « La m'habite à la koum wa la isha. » Dans cette maison, il n'y a ni pour vous de nourriture, ni d'endroit pour dormir. Donc la maison, elle est préservée contre shaitan. Et le dernier hadith que je vais citer, c'est dans Sahih al-Tirmidhi, الشيخ الألباني إلى حس صحح عن أنس قال رسول صلى الله عليه وسلم من قال إذا خرج من بيته بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. فسمي celui qui sort de chez lui en disant بسم الله au nom d'Allah توكلت على الله je mets ma confiance en Allah ولا حول ولا قوة إلا بالله. Il a de puissance, il a de force en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui dit cette dua, يقال له هديت ووقيت وكفيت وتنحى عنه الشيطان. On lui dira, tu as été guidé, tu es guidé, tu es préservé et tout te suffit. وتنحى عنه الشيطان. Et le shaitan s'écarte de cette personne. فيقول الشيطان للشيطان. Et le shaitan dit à d'autres shayatins, il dit, كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي. Il dit, comment veux-tu lutter contre une personne qui a été guidée et qui a été, qu'Allah va le suffire et qui a été préservé. Donc, hadi, voilà. Le cours il est terminé, inshallah. Ça, c'est dans le cours, on a vu que Shaitan est vraiment un ennemi pour nous. Et qu'il fallait le prendre comme ennemi. On a vu les différentes ruses de Shaitan. Et on voit, c'est des ruses qu'il utilise tous les jours. Et on a vu maintenant les moyens de s'en préserver. Comme il a été dit, maintenant on connaît ces moyens, il faut les apprendre si on ne les connaît pas. Les dua qu'on a cités, il faut les apprendre et les mettre en pratique. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk, walhamdulillahi rabbil alamin.